Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Bienvenue pour ce troisième volet des cadeaux Bonux consacrés au sport dans les 80s. Je suis avec Sirf. Salut Sirf. Alors en forme? Est-ce que ton organisme a bien récupéré donc des deux premières mi-temps, prêt pour ces prolongations qui s'annoncent riches? Absolument, Yetcha. Les deux premières mi-temps furent intenses et j'ai d'ailleurs encore quelques douleurs musculaires, mais je suis bel et bien prêt pour entamer ces prolongations qui s'annoncent assez disputées. Et oui, des prolongations, car la deuxième mi-temps fut interrompue sur un score nul et nous espérons ici, ce soir, que le thème choisi nous apporte une issue décisive. Je vous rappelle à ce titre que les cadeaux Bonux précédents sont toujours disponibles, la première mi-temps consacrée au sport à la télévision et la deuxième mi-temps aux sportifs majeurs. Vous pouvez toujours les écouter sur notre site, iTunes, SoundCloud ou Podcast Addict. Mais alors Yetcha, en quoi va constituer et comment va se dérouler exactement cette prolongation? Eh bien Sirf, il est temps d'aborder le cœur du sujet du sport, à savoir le sportif lui-même. Nous allons voir un ensemble de sportifs marquants, voire iconiques de la décennie. Bien entendu, selon la sensibilité de chacun, vous aurez, chers auditeurs, parfois la frustration, parfois la joie d'entendre parler d'un sportif et pas d'un autre. Mais il a fallu faire une sélection, prendre la crème de la crème, ceux qui pour nous sont les sportifs emblématiques des années 80. Et voilà, le coup d'envoi de ces prolongations est donné. Alors, Sirf, quel est le premier sportif dont tu vas nous parler? Alors, Harri Vatanen. Ah. Avant d'avoir fait des publicités pour diverses marques dans les années, on va dire, 2000, Harri Vatanen, c'est un pilote finlandais, pilote de rallye et de rally raid. Alors, pourquoi parler d'Harri Vatanen? En sport mécanique, dans les années 80, s'il y avait une écurie, donc notamment en rallye, qui a marqué cette décennie, c'est l'écurie Peugeot Sport. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ben, on en a déjà parlé dans d'autres numéros, mais la 205 était la voiture, on va dire, notamment la 205 GTI. C'était une voiture un peu fer de lance de la marque Orion. Tu as un affect particulier en plus avec la Exactement, 205. En plus. Je me souviens. J'ai encore mon modèle réduit de la 205 dont on va parler, à savoir la 205 Turbo 16. Ah. Tout simplement la plus belle des voitures dans les années 80, qui a permis donc à Peugeot Sport de gagner énormément de rallyes, donc les Mille Lacs, San Remo, le Grande-Bretagne, notamment en 1985, Monte-Carlo, et puis d'autres courses tout aussi mythiques. Alors, aux commandes, notamment on avait Harri Vatanen, mais aux commandes de cette écurie Peugeot Sport, on avait Jean Todt. Alors Jean Todt, je pense que tu dois connaître Yetcha. Oui, bien sûr. Il a été responsable de la Scuderia Ferrari dans les années 2000. Et c'est le mari de Michel Yeo. Mais c'est vrai en plus. Ben oui, sacré Michel Yeo. Mais en tout cas, le premier amour, le vrai, c'est ici, c'est 205 Turbo GES, Evolution 1. Évidemment, conçu pour la compétition, qui a vraiment, véritablement commencé la révolution à l'époque. Un autre concept qui n'était jamais vu. Le moteur était très puissant à l'époque, c'est-à-dire tout au début, il y avait peut-être 320, 330 chevaux et qui a monté petit à petit jusqu'à 350. Aussi, la transmission à l'époque était très avancée. Et pour moi, personnellement, qui rendait la voiture vraiment très, très facile à conduire et qui m'a rendu très confiant au volant. Alors, sorti de sa 205 Turbo 16, il n'a pas fait que ça dans la vie. Il a notamment remporté 4 fois le Paris-Dakar. Donc en 87, avec la 205 version été. Et en 89 et 90, sur la 405 Turbo 16. À l'époque, toutes les Peugeot s'appelaient Turbo 16. Donc la 405 Turbo 16 qui lui a également permis de battre le record et de remporter donc la fabuleuse course de côte de Pikes Peak en 1988. Alors notamment si vous cherchez sur YouTube Pikes Peak Harri Vatanen, vous tomberez sur une vidéo qui dure 20-25 minutes où donc Pikes Peak c'est un sommet comme son nom l'indique qui devait être gravi donc par des voitures souvent équipées d'ailerons pour pouvoir aller beaucoup plus vite au niveau pénétration dans l'air. Et ce qui est frappant dans cette course de Pikes Peak, c'est vous partez donc dans la vallée, vous êtes plutôt dans une partie forestière, et plus vous montez, plus le paysage devient lunaire. Avec dans les derniers virages, donc à une altitude plus que raisonnable, vous arrivez donc au sommet pour l'arrivée de cette course. C'est donc ce qu'on appelle une course de côte. course de côte, c'était un format de course qui était très à la mode dans les années 60-70, où il y a eu énormément d'accidents mortels, notamment. Mais voilà, donc Pikes Peak reste une légende. D'ailleurs, Sébastien Loeb s'était attaqué à cette course de Pikes Peak plus récemment. Alors, après Harri Vatanen, quand même, les années 80 très fournies en finlandais, je vais quand même me permettre de citer en deux secondes Timo Salonen, qui a pris quelque part la suite d'Harri Vatanen au sein de l'écurie Peugeot Sport, et qui, pareil, n'a pas eu le même palmarès quand même que Vatanen, mais qui a quand même porté haut les couleurs de l'écurie française. Voilà. Peugeot Talbot Sport d'ailleurs, à l'époque, puisque c'était pas que Peugeot Sport. Oui. Bah écoute, Yetcha, je vais te passer la main pour évoquer un autre sportif qui officiait sur les circuits, ô combien légendaire. Ah oui, ô combien légendaire. En la personne du professeur. Exactement, le professeur. Pour moi, tout simplement, le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. J'insiste bien, je peux le redire, le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps, Alain Prost. Je te rejoins. Nommé le professeur par la propreté de ses trajectoires et son comportement ultra réglo sur la piste. Et surtout pour ses stratégies de course. Et stratégies de course, bien sûr, par rapport à ça. C'est pas des gars qui poussent les voitures des autres dans le bas-côté, hein, comme savaient si bien le faire Ayrton Senna et Michael Schumacher. C'est vrai que c'est toujours un peu facile de pousser les autres dans le bas-côté pour ensuite passer devant. Alain Prost, donc, quadruple champion du monde en 85. En 86, en 89 et en 93. Victorieux de 51 Grands Prix de Formule 1 pour 199 départs entre 1980 et 93. Alors, le point d'orgue de sa carrière, c'est la rivalité qu'il a eue avec Ayrton Senna, qui fait partie du coup des plus grandes heures de la Formule 1. Il y a deux sortes de concurrents. Il y a l'adversaire qui est dans une autre équipe et il y a le coéquipier qui est aussi lui un concurrent. C'est souvent celui-là le plus redoutable. Car c'est la seule, c'est les talons. Il s'agit d'Ayrton Senna, l'étoile montante, avec qui la cohabitation chez McLaren s'avérera très orageuse. Contrairement à Lauda en 85, qui se savait en fin de carrière, Prost refusa en effet de s'avouer moins rapide que le nouveau venu, et il s'ensuivit un duel sans merci qui finira par tourner à l'aigre. Après que Senna se fut emparé du titre 88, Prost prendra sa revanche en 89 à l'issue d'un accrochage entre les deux coéquipiers à Suzuka dans des conditions litigieuses qui provoqueront son départ de chez McLaren. Prost a commencé dans les années 80, donc. Son premier titre, il l'a gagné en 85, avec 23 points d'avance sur Michele Alboreto à l'époque. Il est devenu le premier Français à être champion du monde de Formule 1. Le deuxième titre, en 1986, il a, lors du dernier Grand Prix, en fait, il a 6 points de retard sur Nigel Mansell, 1 point d'avance sur Nelson Piquet. La voiture de Prost est moins performante, et finalement, le Grand Prix a tourné à l'avantage de Prost, puisque Mansell va éclater son pneu, Senna va casser son moteur, il reste que Piquet et Prost pour le titre. Et pour 4 secondes, Prost va gagner et donc va être sacré champion du monde. Donc ça a été une victoire vraiment acharnée. En 88, en fait, ça va être le début avec Senna chez McLaren Honda. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à cette époque-là, seuls les 11 meilleurs résultats de la saison sur les 16 sont comptabilisés. Donc au final, Prost a 104 points et Senna a 95. Mais en fait, Senna va être sacré champion du monde en 88. J'ai jamais compris ce système. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est assez curieux d'avoir le choix des 11 meilleurs résultats. Bon, il a presque 10 points d'avance, mais il perd. Bon, c'est un peu... voilà. Mais c'est en 89 surtout que le torchon va brûler entre Senna et Prost dès le premier Grand Prix de la saison, Grand Prix de Saint-Marin, avec Senna qui attaque vraiment agressivement Prost, qui devait être normalement le leader de l'écurie. Les fameux stratégies de course, leader, pas leader, je te laisse gagner. Voilà, voilà, c'est ça, un petit peu pour ça. Bon, après, moi, je trouve que dans les stratégies de course, ça m'a jamais choqué de dire, on laisse passer un tel plutôt qu'un tel, puisque après tout, je me suis toujours dit que si les écuries arrivent à mettre deux pilotes devant, après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, si les autres écuries sont pas contentes, elles ont qu'à être devant. Enfin, moi, ça m'a jamais... C'est pas quelque chose qui me choquait. Moi, je trouvais ça... ça faisait partie du truc, quoi. Donc, c'est quelque chose qui me gênait pas. Mais c'est vrai que Senna, c'était un peu une tête brûlée et il y a eu des soucis. Et jusqu'au Grand Prix de Suzuka, au Japon, donc, où Senna va carrément couper la chicane au 46e tour en harponnant Prost sur le côté. Senna repart avec les commissaires qui le poussent et Prost abandonne. Bon, finalement, Senna sera quand même disqualifié et Prost sacré champion du monde pour la troisième fois, donc, en cette année 1989. Alors après, moi, je me souviens aussi de Prost qui pousse sa voiture suite à une panne sèche aussi. Tu te souviens pas de ce truc-là? Si, ça me dit quelque chose, ça. Dans la dernière ligne droite. Oui, dans la ligne droite. Ça me dit quelque chose, oui. Et il pousse sa voiture pour franchir la ligne. Ouais, si, ça. Et ça, je dois dire que je me rappelle de ça. Alors, je ne sais pas quel grand prix c'est. Peut-être qu'un auditeur pourra nous le rappeler. Mais ça me dit quelque chose. Et c'est vrai que c'est des images, enfin, c'est complètement hallucinant, quoi, de voir ça, quoi. Le gars qui pousse sa Formule 1. Bon, et puis bon, plus tard, donc il y a eu un changement d'écurie hein, pour Prost, hein, qui va chez Ferrari et qui, en 93, gagne son quatrième et dernier titre champion du monde. La fin du conflit entre les deux hommes, en fait, va prendre officiellement fin avec les mots de Senna lors du pire Grand Prix qui s'est couru, puisque c'est celui de Saint-Marin en 1994, qui a vu non seulement la mort de Ratzenberger, un jeune pilote autrichien aux essais, mais aussi celle de Senna durant le Grand Prix, sans oublier un gros accident de Barrichello aux essais et le carambolage du départ. Il y a eu cette phrase de Senna que nous allons écouter tout de suite et que je vous traduirai pour les non-anglophones juste après. On écoute ça. Alors toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là, on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. Voilà donc cette réaction au mot de Senna, puisque Senna dit « Et pour commencer, un bonjour à notre cher ami Alain. Tu me manques, Alain. » Et donc, vous avez entendu la réaction de Prost qui a été vraiment sincère et il espérait pouvoir devenir un vrai ami par la suite. Mais malheureusement, Senna se tuera quelques instants plus tard. Et oui, sachant que la panne sèche était au Grand Prix d'Allemagne 1986, où Alain Prost, à cause de cette panne, à 100 mètres de la ligne d'arrivée, où il a poussé la voiture pour franchir la ligne, d'accord, a fait qu'il a fini seulement 6e du Grand Prix. Incroyable. Mm-mm. Donc, pour partir un petit peu des sports mécaniques, nous allons franchir les cordes du ring et monter pour aller voir un autre monstre sacré d'un autre sport. Tout à fait. Monstre, en effet, c'est un terme qui le caractérise. Nous allons parler de Michael Gérard Tyson, dit Mike Tyson. Gérard, tu es un locumène. Here comes Mike Spikes in. He leaves with the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spikes is laying flat on his back. The count is up to 5 and 6 and 7 and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Spikes almost fell back throw. A dramatic first round knockout for Mike Tyson. Unbelievable Spikes. Alors, né en 1966, le 30 juin très exactement, à New York, dans le quartier de Brooklyn, le petit Michael Gérard Tyson restera avant tout, alors on va faire assez vite sur sa carrière, son surnom c'est bien sûr Kid Dynamite ou Iron Mike. Bah, c'est simplement, moi c'est plus le bulldog en fait que je lui donnerais comme surnom. Bah, il a été champion du monde des poids lourds et d'ailleurs il reste le plus jeune boxeur de cette catégorie à avoir remporté le titre mondial à 20 ans, 4 mois et 23 jours. C'est dingue comme à chaque fois qu'on précise quand c'est le plus jeune, on précise jusque limite à la minute et à la seconde près. Oui, c'est vrai. Combat gagné contre Trevor Berbick. Voilà. Alors, ce qu'on retient également bien sûr du petit Michael Gérard Tyson, c'est son côté un petit peu violent, non seulement sur le ring, mais également en dehors. En effet, en 92, il est condamné à une peine de 6 ans de prison après avoir été jugé coupable de viol sur la dite Désirée Washington. Voilà. 6 ans quand même d'emprisonnement. Oui, mais bon, libération conditionnelle, oui, pour bonne conduite. Oui. Et c'est vrai qu'on imagine tout à fait Mike Tyson avoir une bonne conduite. Donc il en fera que 3 ans. Voilà. Il se convertit à l'islam et son nom musulman est Malik Abdulaziz. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait son comeback. Donc il reprend la boxe, il remporte les titres de WBA, WBC. Il perd contre Evander Holyfield, autre légende de la boxe. Et ils font un match revanche en 97. Il est arrêté. Pourquoi, mon cher Yetcha? Le fameux mordage d'oreille. Le fameux mordage d'oreille. L'arrachage d'un bout d'oreille, d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un bulldog, oui, puisqu'effectivement, Mike Tyson est disqualifié pour avoir mordu l'oreille d'Evander Holyfield. Voilà. Donc, en 2002, toujours vaillant, à l'âge de 35 ans, il combat à nouveau pour le titre et il perd par KO face à Lennox Lewis. Et le plus étonnant avec lui, c'est qu'il se déclare en faillite en août 2003, malgré des gains de plus de 300 millions de dollars sur les rings dans toute sa carrière. Ouais. Sa vraie retraite intervient en février 2005 à 39 ans, après avoir essuyé deux défaites, ce qui pour lui était quand même un peu insupportable. Oui. Donc, pour les gamers que nous sommes également, il restera également la star, sur la jaquette, et la star du jeu sorti sur NES, en 87, qui s'appelait dans sa première version, avant qu'elle soit renommée suite à des problèmes de droit. Donc, le jeu s'appelait à l'origine Mike Tyson's Punch-Out. Ah, je ne savais pas, d'accord. Ce qui fait que cette édition est beaucoup plus recherchée que l'édition Punch-Out standard de la NES. Ah oui, parce qu'il y a eu quand même une sortie de ce jeu. Ah oui, il est sorti, avec la jaquette, avec Mike Tyson sur la boîte. Ah oui, je ne savais pas du tout. Et après, il y a eu une deuxième édition qui était exactement le même jeu, mais plus avec Mike Tyson sur la jaquette. Mais il était toujours en boss final. Oui. D'accord. Mais on faisait plus la promo autour de Tyson, quoi. Voilà, c'était plus la tête d'affiche du jeu. Voilà. 11 world-class contenders. Take them down with your controller. Beat them all and you've got a shot at Tyson's title. Power! But for that, you've got to beat Mike Tyson. Mike Tyson's Punch-Out from Nintendo. Now you're playing with power. Et puis depuis, on l'a revu, intégré comme légende de certains jeux de boxe, Fight Night notamment. Que dire à part que ce champion est et restera aussi célèbre pour ses frasques hors ring que sur le ring. Voilà. Enfin, il était assez violent envers ses diverses compagnes, on peut le dire. Après, je ne sais pas s'il y avait un petit peu d'alcoolisme à côté, ou de stupéfiant, je ne sais pas, ou si c'était son naturel qui était comme ça. En toute détente, il avait besoin de punching ball féminin et vivant, je ne sais pas. Mais alors, on peut aussi souligner qu'il est colombophile. Ah, il aime les pigeons. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il aime la série Columbo et il faut qu'il en parle à sa femme. Non, mais il peut pas aimer les pigeons, c'est ça ? Non, colombophile. Il aime les pigeons. Ça. Oui, ça paraît étonnant parce que les pigeons, les oiseaux, c'est plutôt des. C'est assez doux. Des animaux, oui, doux, même si on n'aime pas les pigeons, hein, c'est dégoûtant, mais bon. Bon, et sinon, Sirf, moi je serais tenté de dire, et les Français dans tout ça. Et les Français dans tout ça, effectivement. Les Français étaient présents, mais plutôt quand même. Alors, on en a cité certains, c'est vrai, qui étaient. De premier ordre. De premier ordre, notamment, on peut dire Platini et Prost. Ouais. Des gens comme Fignon ou Noah étaient présents, mais quand même plutôt au second plan. On les a retenus par rapport au fait qu'ils soient français, mais finalement, dans le monde du sport auquel ils appartiennent, ils étaient quand même un peu au second plan, on va dire. L'aspect cocardier et cocorico, effectivement, vient dans cette dernière partie. Tout à fait. Alors, pour résumer, nous, on avait des Français qui étaient souvent des besogneux, qui étaient capables d'exploits sur un coup, sur quelque chose, ou alors dans des sports un peu plus anecdotiques, enfin, en tous les cas, moins médiatisés. Moins médiatisés, oui. Avec notamment, pour attaquer cette partie, on peut parler, si tu le veux bien, de notre ami Pierre Durand et de son fabuleux cheval, Japlou. Alors, Pierre Durand, c'est quand même un peu le nom générique, le plus courant. Voilà, c'est Pierre Durand, quoi. Donc, fait d'armes de Pierre Durand, c'est quand même tout simplement champion olympique en 1988 à Séoul. Pourquoi se souvient-on de Pierre Durand également ? C'est que son cheval Japlou n'était pas, on va dire, le plus docile du circuit. Et il avait tout simplement mis à terre son cavalier lors des JO de Los Angeles en 84. Ah oui. Le problème, c'est que du coup, tout le monde avait vu ça. Et Pierre Durand a un peu été sujet à de nombreuses moqueries suite à cet événement. Incident, on va dire. Oui. Mais ce qui rend d'autant plus belle sa victoire 4 ans plus tard à Séoul, toujours avec le même Japlou, qui était encore apte à faire des courses de haut niveau avant de finir chez le boucher chevalin. Non, à une retraite bien méritée dans une superbe ferme ou chez le boucher chevalin. Suite à cette victoire à Séoul en 88, Pierre Durand abandonne le saut d'obstacle et se concentre à son métier, son nouveau métier de représentant sportif pour une firme américaine. D'accord. Et actuellement, il brigue la présidence de la Fédération équestre internationale. D'accord. Mais tu parlais de boucherie chevaline, on peut quand même rebondir en disant que les amoureux des chevaux qui nous écoutent s'insurgent souvent contre cette boucherie chevaline. La démocratisation de l'équitation fait quand même beaucoup pour la boucherie chevaline, puisque la multiplication des chevaux dans les centres équestres, pour tous les gens qui veulent monter des chevaux, ben ils finissent à la boucherie parce qu'il y en a trop, quoi. Tout le monde, on peut pas faire vieillir les chevaux dans les prés comme ça paisiblement. Donc finalement, les défenseurs des chevaux et les gens qui sont contre la boucherie chevaline alimentent ce commerce. Donc c'est un peu. Même si, soyons honnêtes, il y a quand même de moins en moins de boucheries chevalines. Oui, en France. Certes, mais bon, il y a quand même les surgelés où ils peuvent mettre de la viande de cheval. Des lasagnes, voilà. Tout ça. Bon. Bref, ne revenons pas sur cette histoire. Donc, en parlant de chevaux, oui. Est-ce qu'il ne serait pas le moment de reparler de chevaux mécaniques rapidement ? Ah ben, complètement. Avec notre ami, je te laisse en parler. Oui, notre regretté ami. Regretté ami. Oui, Didier Pironi, pilote automobile, né en 52. Pironi a été vraiment un pilote français emblématique des années 80. Il a non seulement piloté et eu des résultats de première qualité, de premier ordre, mais il a aussi beaucoup fait pour la marque française Ligier en Formule 1, puisqu'il a piloté... Voiture sans permis, bien connu, effectivement. Oui, aujourd'hui, oui. Il a piloté assez longtemps avec sur Ligier, avec Jacques Lafitte, d'ailleurs. Donc, c'était vraiment une écurie 100% française. Et puis, après, il est parti chez Ferrari, qui était une écurie mythique à l'époque, avec son coéquipier qui québécois, Gilles Villeneuve. Il faut savoir que Pironi Villeneuve, c'était une grande amitié hors de la piste, jusqu'à un problème lors d'un Grand Prix. Il y a eu des stratégies de course où les deux pilotes n'étaient pas d'accord et Villeneuve et Pironi ont été ils sont pris le choix. Fâchés suite à cette décision de l'écurie de course. Brouille. Voilà. Et malheureusement, les hommes n'ont jamais pu se réconcilier puisque Villeneuve s'est tué lors des qualifications du Grand Prix de Belgique. Et Pironi a toujours regretté cette disparition prématurée de son grand ami Gilles Villeneuve. Alors, Pironi... C'est monsieur pas de bol parce que quand on y réfléchit, voilà, il cumulait un petit peu les... Voilà. La carrière de Pironi, elle est ponctuée d'accidents, de catastrophes, de choses ratées, d'actes manqués, etc., etc. Il n'a jamais réussi, malheureusement, à devenir champion du monde. Il a été vice-champion du monde en 82 avec Ferrari, l'écurie étant, elle, championne du monde. Malheureusement, c'est vrai que pendant cette année, il a eu un très très gros accident qui a fait qu'il n'a pas pu finir la saison. La saison, ouais. Voilà. Et il s'est fait dépasser par Keke Rosberg de 5 points seulement à l'issue des 5 courses que Pironi n'a pas fait, quoi, en 1982. Sachant que l'histoire retient quand même que son grave accident, donc sa voiture s'envole, oui, au-dessus de celle d'Alain, oui, Prost, dont on a déjà parlé précédemment, et il se fait broyer les jambes, tout simplement. Et il passe très près de l'amputation, oui, mais il est obligé d'arrêter la Formule 1. On se demande si même il pourra reprendre une existence normale, et là intervient sa deuxième vie, on va dire, sportive, ouais, que je te laisse nous évoquer. Absolument, les essais en Formule 1 n'ont pas été concluants après une longue rééducation, et il va se lancer dans les bateaux offshore. En sport détente, le bateau offshore, suite à l'invitation de Philippe Streff et Gilles Gagnon au championnat du monde offshore. Et donc, Pironi a été vraiment enthousiasmé, et il va se découvrir une nouvelle passion, donc il se lance dans la compétition, aux commandes d'un surpuissant Rocky Euromarché, et il est le seul pilote français de la discipline. En 87, avec le soutien financier d'Elf et du groupe Midial, avec d'autres plein de pubs, et notamment la marque Colibri. Il y a bon Banania. Et Banania et Colibri. Il monte la conception d'un bateau baptisé Colibri qui va piloter lui-même. Et malheureusement, ce Colibri, le 23 août 1987, va provoquer la mort de l'ensemble de son équipage, avec Jean-Claude Guénard, le journaliste également Bernard Giraud, et donc Pironi, qui se sont retournés en fait à très haute vitesse et écrasés sur la surface de l'eau au large de l'île de Wight. Qui à cette vitesse n'est plus de l'eau mais du béton. Voilà, à des hautes vitesses, l'eau c'est comme le béton, ouais. Et donc aucune chance d'en réchapper. Ils ont trouvé la mort à cette occasion-là, donc ça a été quelque chose qui a vraiment marqué le sport français, finalement, cet accident. Sachant qu'en regardant effectivement l'invitation de Philippe Streff, qui lui aussi a eu un grave accident, oui, en Formule 1 et s'est retrouvé handicapé, mmh, donc on peut dire que Didier Pironi aura été confronté, soit lui, soit son entourage, à des drames de partout. Voilà. L'image de Didier Pironi dans tout ce qu'il a entrepris, celle d'un gagneur. Autre image de Pironi en F1, son terrible accident le 8 août 82 aux essais du Grand Prix d'Allemagne. Après ses victoires aux Pays-Bas et à San Marin, il était en tête du championnat du monde et en passe de devenir le premier Français champion du monde de Formule 1. 3 ans et demi de calvaire, 40 interventions chirurgicales pour récupérer l'usage de sa jambe droite. Une volonté opiniâtre qui force l'admiration de tous. Une volonté destinée à revenir au premier plan pour retrouver un volant. Pas de volant de F1 pour Pironi en 87, l'occasion pour Didier d'assouvir sa deuxième passion, le offshore. Je suis heureux dans la mesure où je rêve encore beaucoup à des choses que je veux réaliser ou des choses que je rêve d'avoir. Je crois que c'est un peu ça le secret du bonheur. C'est pas de tout posséder, mais c'est de rêver d'avoir plus. À 35 ans, Didier Pironi, avec le même enthousiasme qu'à ses débuts en automobile, se lançait dans un nouveau défi, le titre mondial avec son bateau, le Colibri. Il en avait pris le chemin en signant sa première victoire la semaine dernière en Norvège. Un pari qu'il avait entamé avec ses amis Jean-Claude Guénard et Bernard Giroux, deux autres fous de Formule 1 disparus aujourd'hui avec lui au large de l'île de Wight. Et la compagne de Pironi, qui était enceinte lorsque Pironi s'est tué, elle a donné naissance donc à des jumeaux en janvier 88, donc lui il est mort en août 87, donc 6 mois après la mort de son mari. Et elle les a prénommés, ses jumeaux, Gilles et Didier, donc en hommage Didier donc à son mari, et Gilles pour Gilles Villeneuve, qui étaient donc quand même les deux meilleurs amis du monde, même s'ils n'ont jamais pu se réconcilier. L'histoire retiendra également qu'il a été avec Véronique Jeannot, aviateur, tout ça, au début des années 80. Exactement, un couple très médiatisé d'ailleurs. Je possède également une photo dédicacée de Didier Pironi, qu'il m'a dédicacée lui-même dans la galerie de Continent, l'achat gagnant. L'achat gagnant. Quand j'étais petit, voilà, il était présent, il était venu à Caen, et il m'avait signé cette carte postale. Voilà, donc j'ai rencontré Pironi. Et la question, c'est est-ce que Véronique Jeannot a été avec Laurent Voulzy ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, tout ça, c'était avant Madrange. Hein, c'est vrai. Encore. Parce que avant Madrange, Véronique Jeannot, c'était Pause Café. C'était ça. Mais passons sur un autre domaine de glisse, hein, puisqu'on était sur les bateaux là, qui glissaient. On va passer sur la neige. Alors, effectivement, au niveau des Français en matière de neige, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu léger. Alors, on en a retenu deux, un garçon et une fille, parce que bon, il faut quand même être équitable. Alors, Franck Picard, rien à voir avec les surgelés Picard, hein, même si beaucoup de ski n'a pas créé la marque Picard surgelé. Franck Picard, bah, c'est un skieur qui est né en 64 et qui a été le premier champion olympique de Super-G de l'histoire en 1988 à Calgary, tout simplement. Oui, tranquillement. Bah, en même temps, quand on rajoute une discipline, forcément, le premier qui gagne, ça reste pour l'éternité le premier champion olympique. C'est l'avantage. Et c'est aussi le seul Français à avoir remporté cette discipline. Voilà. Et hormis ce fait d'armes, il a un petit peu continué à exister en 88 également pour une médaille olympique en descente, mais cette fois-ci en bronze. Et en 92, à Albertville, avec une médaille d'argent. Voilà. Bon, après, il a fait également partie d'une équipe assez célèbre, entraînée par Serge Guillaume, donc avec les Luc Alphand, Jean-Luc Crétier et Denis Rey. Pour la partie féminine du ski français, c'est Carole Merle. Ah. Alors, Carole Merle, née également en 64, comme Franck Picard, elle a été championne du monde de géant à Morioka en 93, et elle reste la skieuse française la plus titrée de l'histoire en Coupe du Monde, avec 22 victoires et 6 petits globes de cristal. D'accord. Pour faire le comparatif avec Franck Picard, puisque effectivement Calgary 88, enfin l'enchaînement 88-92, on a rapporté quelques médailles, mais elle ne finira que 9e du géant en 88 à Calgary, mais elle aura quand même la médaille d'argent en 92. Par contre, ce sera en Super G. D'accord. Mon avis personnel sur le ski, c'est typiquement le genre de sport où les Français, hormis Luc Alphand, effectivement, qui a été un peu plus, a connu une longévité, un peu plus, et une certaine constance, ça reste quand même des coups un peu sporadiques de la part des Français. Ouais, en tout cas dans le ski alpin. Oui, tout à fait. Parce que c'est un petit peu moins marqué dans le ski de fond ou dans le combiné nordique, etc. Quand même, les cités. En effet. Mais c'est plus récent. Voilà. Absolument. Alors, donc après ces sports individuels, on va peut-être passer aux équipes. Est-ce qu'on a de bonnes choses en dehors de Mexico 86, dont on a parlé tout à l'heure ? Tu as quelque chose à nous présenter dans les équipes de sport ? On va dire qu'on peut évoqué les grands sports collectifs. Ça reste donc le football, comme on l'a déjà évoqué. Ça reste. Alors, je vais quand même me permettre d'évoquer la victoire, la seule et unique médaille d'or du football français aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Ah oui, ils ont été champions olympiques. Ils ont été champions olympiques, oui, monsieur. D'accord, bah je savais pas du tout. Tu vois, moi j'ai retenu Carl Lewis, mon 84, c'est tout. Ouais, mais ça c'est ton problème, c'est-à-dire que. Pierre Quinault aussi. Voilà, voilà. Tu nous retiens les. Alors, je dis pas que c'est pas important. Hein. Bah, le vrai sport, quoi. Voilà. Je ne serais pas déstabilisé par ces propos. Donc, c'est quand même beau d'avoir eu la médaille d'or au JO de Los Angeles en 84 par notre équipe de France de football. Tout à fait. Il faut savoir que les équipes envoyées au JO, c'était quand même très souvent soit les équipes de jeunes, soit les seconds couteaux. Ah oui, les moins de 23 ans ou un truc comme ça, c'est ça, hein. Bah, typiquement, JO 84, t'avais pas les Platini, oui, Giresse et ainsi de suite. Voilà. C'était vraiment une catégorie à part. D'accord. Pour ce qui est d'un autre sport, on va dire, majeur. Le rugby. Le rugby. Alors, période faste, les années 80, puisque c'est Jacques Fourroux qui entraîne l'équipe de France entre 81 et 89. Il gagne 6 fois le tournoi des 5 nations à l'époque, puisque, comme tu le sais, étant un grand spécialiste de rugby, Echa, à l'époque, l'Italie ne faisait pas partie du tournoi des 6 nations, mais ça se limitait à 5 nations. Et puis surtout, le fameux Grand Chelem. Ah oui. J'imagine que tu sais ce que c'est que le Grand Chelem en rugby. Alors, ça doit être lorsqu'on gagne... Contre toutes les équipes, non? Je sais pas. Exactement. Ils font partie du grand chelem. Donc, il y a quoi? Il y a l'Italie, l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse. Je viens de te dire que le tournoi des 6 nations était un tournoi des 5 nations et que l'Italie n'en fait pas partie. Sois attentif un petit peu, Yetcha, s'il te plaît. Mais aujourd'hui, il en fait partie. Elle en fait partie, non? Ben oui, c'est pour ça que ça s'appelle 6 nations. Voilà, on remet le truc à l'endroit et on est bien. Donc, les 5 nations à l'époque, c'était la France, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Angleterre. Et puis l'Écosse. Eh bien joué. Alors, explique-moi, pourquoi est-ce que dans les sports où ils sont relativement à l'aise, on va dire, la Grande-Bretagne fait plusieurs équipes ou fait plusieurs nations, alors que dans les sports où ils sont, on va dire, plus faibles, ils se regroupent sous le maillot de la Grande-Bretagne? Eh bien, c'est une bonne question. Ça les arrange, en fait. Ils font ça quand ils veulent. Ouais, c'est un peu ça. Je trouve ça un petit peu, facile. Certes, je te l'accorde. Non, mais je me suis toujours posé la question, parce qu'il y a ça en foot, il y a ça en rugby, et en athlétisme, c'est la Grande-Bretagne. Il n'y a pas l'Écossais, il n'y a pas l'Angleterre, machin, enfin, c'est étonnant. Tu dis en football? En football, il y a l'Angleterre, il y a l'Écosse, il y a etc. En rugby, c'est pareil, oui. Mais en athlétisme ou en natation, etc., c'est la Grande-Bretagne. Ah oui. C'est ça qui est, c'est un peu étonnant. Peut-être que les fédérations autorisent sûrement, mais certains sports. Mais aux États-Unis, c'est l'équipe des États-Unis, quoi. C'est pas l'équipe du Texas, l'équipe de. Enfin, je veux dire, dans une Coupe du Monde ou un truc comme ça, tu vois, ils vont pas mettre l'équipe du Texas, l'équipe de Floride, l'équipe de machin, l'équipe de truc, quoi. C'est vrai. Bref, c'est une petite remarque pour nos camarades de l'Outre-Manche. C'est exact, salaud d'anglais. Non, parce qu'il faut quand même savoir qu'en rugby, les Anglais sont nos ennemis héréditaires. Hein. C'est pas qu'en rugby. Oui, mais on va dire que surtout le plan sportif, sur le plan sportif, le fameux crunch qu'est le France-Angleterre, ça reste, on a vraiment des vieilles histoires avec les Anglais qui nous disent le fameux good game quand ils ont gagné en disant vous avez bien joué. Vous avez perdu, bande de nazes. Donc bref, quand même, le point d'orgue également dans les années 80 pour l'équipe de France de rugby, ça reste la fameuse demi-finale de Coupe du Monde. Donc la première Coupe du Monde de rugby en 1987. En Nouvelle-Zélande. Avec le fameux essai en coin marqué par Serge Blanco en demi-finale contre l'Australie et qui leur permet de passer en finale contre les Blacks et qui perdent 29-9 en finale contre les Blacks. Voilà. D'accord. Donc l'histoire retiendra que malheureusement, depuis 1987 et la première Coupe du Monde, on n'a jamais réussi à en gagner une. Contrairement à ces salauds d'anglais. Les Anglais ont gagné une Coupe du Monde, mais uniquement grâce à Johnny Wilkinson. Bref, je ne m'étendrai pas sur ce dossier. Autre sport collectif, le handball. Alors là, le handball, autant te dire que les années 80... Morne pleine. Relégué en division C en 1985. Mais après, c'est la reprise en main par le fameux Daniel Costantini. L'entraîneur emblématique des Bronzés, des Bargeaux, de tout ce que tu veux. Donc la fin des années 80 marque les prémices de Jackson Richardson et de pas mal d'autres joueurs qui deviendront les Bronzés en 92. Pourquoi les Bronzés, cher Yetcha? Parce qu'ils ont eu une médaille de bronze. Merci. Et pas parce qu'ils sont fans du film du tout. De Patrice Lecomte. Ils sont peut-être fans du film aussi. Hein. Tout à fait, rien. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en l'occurrence, c'est bien parce qu'ils ont eu la médaille de bronze au JO de Barcelone. En termes de volleyball, c'est assez calme, mais l'équipe de France de volleyball dans les années 80, c'est quand même l'époque de l'entraîneur actuel, à savoir Laurent Tilly, qui réussissent quand même à obtenir une honorable 6e place au championnat du monde 86 notamment, et une 8e place au JO. Il n'y a pas non plus de gros faits d'armes, mais bon, une équipe qui est correcte. Et en hockey sur glace, pour finir avec ces équipes de sport collectif, le pic de l'équipe de France de hockey, ce sont les JO de 92, où lors de ces JO, ils réussissent quelques faits d'armes contre de grosses équipes, mais avant, c'était un peu pareil, vache maigre et morne pleine. Bref, on n'est pas une grande nation de hockey sur glace de toute manière. Ça, il faut quand même se l'avouer. Oui. Et après, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour en termes de sport collectif. Sport co, ouais. Voilà, donc Yetcha, après, je vais me permettre de te poser un petit quiz. Ah. Alors, je vais te citer un palmarès. Oui. Et tu vas me dire de quel athlète. Puisque toi qui n'arrêtes pas de parler de l'athlétisme, oui. On va voir si t'es si calé que ça. Ça s'est remarqué. Non, mais c'est si peu. Est-ce qu'on peut te résumer comme étant un peu le Bernard Faure de l'I-Team? Alors, non, je ne suis pas Patrick Montaigne. Oui, mais enfin, là, je ne le prends pas très bien non plus parce que je n'ai pas trop Bernard Faure. Donc, je ne suis pas le Bernard Faure de l'I-Team. Ok, bon. Donc, si je te dis oui. 112 podiums départementaux, 76 titres, 45 records, 65 podiums régionaux, 34 titres, 15 records, 5 records de France, meilleur moins de 15 ans mondial au lancer du disque en 90, 4e et 7e au championnat d'Europe cadet au disque au javelot, 5e au championnat du monde junior au décathlon, je suis Yetcha. Et tu me dis que t'es pas le Bernard Faure de la team, quoi. Non, mais franchement. Ah, Bernard gros palmarès. Oui, oui. Mais oui, Bernard Faure, il a rien gagné, c'est ça que tu vas me dire. Non, il a pas rien gagné, mais. Bon, voilà. Mais moins que toi. Non, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes sports. Enfin, c'est pas les mêmes disciplines. Non, je dois reconnaître que je suis assez impressionné par ce palmarès, mon cher Yetcha. C'est gentil, ça me fait plaisir. Après, c'est des catégories jeunes, hein, donc après, c'est voilà. Je n'ai pas confirmé du tout en étant plus grand. Bah oui, mais parce que tu as dû, comme tous les sportifs de haut niveau, être interrompu par une blessure récurrente, non? Absolument. Et voilà, tu vois, je le savais. Bon, alors trêve de plaisanterie, oui. Ça c'était pour la blagounette. Oui, c'est gentil. On va finir ce numéro par notre chouchou. Oui. On a pris chacun un athlète qu'on retient. Donc, j'imagine que toi, ça va être en rapport encore avec l'athlétisme. Eh bien, tout à fait. J'ai choisi tout à fait au hasard un athlète. Alors, borderline au niveau des 90, en fait, c'est vrai. Mais je veux parler de Christian Plazia, le décathlonien, qui est toujours détenteur du record de France du décathlon, qui a eu une très jolie carrière au niveau international. Il a été notamment donc champion d'Europe en 1990, et c'est à cette occasion-là qu'il a fait son record de France avec 8574 points. Les connaisseurs apprécieront. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que enfin voilà, ceux qui n'y connaissent rien, tu pourrais lui dire 3 212 000 points. Non, voilà. Actuellement, disons que, pour préciser un petit peu, en fait, le record du monde actuel est détenu par Ashton Eaton, qui a été le deuxième homme à faire plus de 9000 points. Donc, il a fait 9045 points. Donc, voilà. Aujourd'hui, la perf de Plazia, c'est encore la 32e meilleure performance mondiale de tous les temps. Voilà, ça situe quand même un peu le bonhomme. Respect. Et ça calme un peu quand même. Christian Plazia of France, the event leader in the decathlon. His first attempt at 5 meters. He's really getting the crowd behind him. He's already extended his lead over the rest of the field by some 310 points because of a magnificent series of vaults. His last clearance at 490. And he's getting very close to his personal best performance of 5 meters 10, which is exactly the same height as Daley Thompson cleared when setting the European Championship record. And his first time over the first man in the field over 5 meters. That really stamps his authority on the competition, and doesn't he love it? Donc Plazia, il a eu une jolie carrière avec, donc, comme je vous le disais, un titre de champion d'Europe en 90, champion d'Europe en salle en 92, champion d'Europe en salle encore en 94 et champion du monde en salle en 95. Donc je vous le dis, c'était surtout les années 90. Dans les années 80, il a manqué de chance, on va dire. Hein, il est au championnat d'Europe en 86, il a terminé 7e. Champion du monde de Rome, il a terminé, on en parlait tout à l'heure, de la place du couillon, il a terminé 4e. Et aux Jeux Olympiques de Séoul en 88, 5e. La grosse déception a été les championnats du monde de Tokyo en 91 où fort de son titre de champion d'Europe l'année d'avant, il partait quand même favori, et puis il a enchaîné les contre-perfs et il a terminé 9e malheureusement. En 93, 6e au championnat du monde de Stuttgart. Il a gagné assez peu, mais il a fait assez peu de podiums aussi finalement, mais il a eu quand même une densité de résultats vraiment importante, et puis ça reste le recordman de France, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Christian Plazia avait une force, et je pense que c'est pour ça que son record n'est toujours pas battu. C'est que en France, on a eu beaucoup de décathloniens qui ont fait des grosses perfs, derrière Plazia toujours, mais les décathloniens manquent de vitesse. En fait, c'est des gens qui, au 100 mètres, courent tout juste en dessous des 11 secondes. Donc, c'est vrai que quand au décathlon, vous faites autour de 11 secondes, ça veut dire qu'en longueur, vous allez moins loin. Ça veut dire qu'au 400 mètres, vous courez moins vite. Qu'au 110 mètres haies, vous allez moins vite. Qu'à la perche, vous courez moins vite, donc vous allez moins haut. Donc, la vitesse pure est vraiment très, très importante au décathlon. Et un très, très gros sprinter va forcément ramener beaucoup, beaucoup de points. Et Plazia, lui, a quand même un record à 10,55 au 100 mètres. Il a fait presque 8 mètres en longueur. Bon, c'est quand même des grosses, grosses perfs pour un décathlonien. Et c'est ça qui fait la différence par rapport aux décathloniens qui ont été après lui en France. Je citerai des gens que je connais, Sébastien Levic par exemple, qui était assez lent, Laurent Hernu, ou actuellement Kevin Mayer, qui je pense devrait battre le record de France de Plazia d'ici peu. Il a fait pour l'instant 8521 points, donc là il est à 53 points du record de Plazia. Il est jeune, mais c'est pareil, il manque un peu de vitesse. Il a un record au 100 mètres qui doit être autour de 10,95, un truc comme ça, juste en dessous de 11. Donc c'est vraiment le problème des décathloniens français, on va dire, c'est le manque de vitesse. Juste pour terminer, je voulais citer... Bernard Faure, je vous le dis, c'est terrible. Non, je voulais citer juste Alain Blondel qui, 4 ans plus tard, en 1994, a été champion d'Europe du décathlon avec une performance et un moment inoubliable parce qu'il a franchi à la perche, c'était un perchiste de formation, il a franchi une barre à 5,40 m sous des trombes d'eau. Et c'est là qu'il a gagné son décathlon. Et beaucoup de perchistes spécialisés dans la perche n'auraient jamais, jamais pu sauter une telle barre dans de telles conditions. Et ça, c'était vraiment un moment exceptionnel. Je m'arrête là parce que j'en parlerai des heures. Et je laisse la main à Sirf, car toi aussi, tu as un chouchou. Un chouchou qui est, comment dire, j'aurais du mal à le qualifier. Tu ne partages pas. Mais non, c'est pas ça. C'est pas que je ne partage pas, mais un personnage. On va dire. Ce qui est très important de souligner, c'est que cet homme est bon. Car oui, le comte... Et bon. Henri Lecomte, le petit Henri Lecomte, est né le 4 juillet 1963 dans le Pas-de-Calais et nous a régalé de son jeu léché, de ses coups peu orthodoxes, de son style bien à lui. De sa gauchitude. Il est gaucher. C'était un personnage. C'était un personnage. On a parlé d'Yannick Noah qui, avait son style, mais Henri Lecomte, comment le résumer? Le parcours d'Henri Lecomte, quand même, je vais le résumer rapidement. Une finale des Internationaux de France en 1988, malheureusement perdue, puisque, comme on l'a déjà dit, Yannick Noah est le dernier à avoir remporté Roland-Garros. Joueur masculin. Oui, puisque Marie-Pierce en 2000 a gagné. Je te le confirme, j'adore Marie-Pierce. Bref, il a quand même remporté en double, par contre, en 1984, avec Yannick Noah, les Internationaux de France, mais il a surtout participé à la victoire de l'équipe de France à Lyon en 1991, en Coupe Davis. Car il faut savoir que donc le petit Henri Lecomte a été professionnel de 80 à 96 et a connu quand même une relative traversée du désert dans la fin des années 80 et au tout début des années 90. Et au niveau de cette Coupe Davis, Yannick Noah est capitaine, d'où le fameux saga Africa, ambiance de l'amour, tout ça, et doit rencontrer les États-Unis, composés en toute simplicité de Pete Sampras, l'homme le moins charismatique du circuit de l'époque, avec sa barbe de 3 jours et son petit tic avec sa langue avant de servir, André Agassi, ni plus ni moins. Et ben, ces deux personnages qui étaient quand même numéro 6 et numéro 3 à l'ATP à l'époque, vont rencontrer notre Henri Lecomte qui était à l'époque classé, tenez-vous bien messieurs dames, 159e au classement ATP. Rappelé à la surprise générale pour la finale, à mon avis, il sortait de boîte la veille, il a dit « Eh, dis donc, il y a une finale de Coupe Davis, tu ne voudrais pas venir jouer ?» Il a dû prendre la raquette en bois de Yannick Noah qui avait 83, je ne sais pas. Le scénario de cette finale absolument rocambolesque est que Guy Forget perd face à André Agassi. Donc on se dit, l'équipe de France va prendre une trempe, mais Henri Lecomte est arrivé. Henri Lecomte, sa cape, son masque, Superman. Il bat Pete Sampras en 3-7, excusez du peu. Incroyable. Il bat le double Flack Seguzo avec Guy Forget, pareil en 4-7, gentiment. Et surtout, dernier match remporté par Guy Forget qui permet à la France de s'imposer 3-1 à Lyon. Quoi. Et qui du coup nous permet de gagner la Coupe Davis qu'on n'avait plus gagnée depuis 1932 avec les Mousquetaires. Et cette confiance hallucinante va lui permettre d'électriser le Palais des Sports de Gerland. Pete Sampras est pris à la gorge. Ouais. Noah commence à y croire, d'autant qu'Henri est solide. Rarement, il aurait été à ce point concentré du début à la fin d'un match. Je jouais comme sur un nuage, mais je crois que c'était un nuage vraiment contrôlé, parce que souvent, quand on fait un match comme celui-ci, on a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise. Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant 3 jours. Quoi. Donc, du panache, de l'élégance, entre guillemets, c'est Henri Lecomte. Je veux dire, demi-finale de tournoi du Grand Chelem en 86, battu par Michael Pernfors, qui était quand même une brute dans tous les sens du terme. On peut pas dire d'Henri Lecomte qu'il est un joueur de légende, mais on peut dire d'Henri Lecomte qu'il a été le chouchou du public à Roland-Garros pendant des années et des années, et qu'il était tellement imprévisible et qu'il était capable de faire c'est ce que je disais tout à l'heure, des coups contre des joueurs, mais qui en théorie il ne peut absolument pas battre. Ouais, c'est ça. Et de perdre au premier tour contre un obscur 250e mondial, tu vois. Mais je me rappelle de cette finale, évidemment, et moi je me rappelle de la mine déconfite de Pete Sampras. On lisait sur son visage on lisait mais c'est qui ce mec-là qui est en train de me taper, je te jure. Tu te dis, le mec, il jouait au tennis club le dimanche, on lui a dit dis donc, tu aurais pu venir en finale, et c'est vrai que c'est absolument hallucinant. Après, on ne mentionnera pas sa reconversion au niveau télé-réalité, au niveau série télé, cette année. Mais bon, je retiens quand même le fameux Riton, puisqu'on l'appelait comme ça, qui aura su me motiver pour regarder Roland-Garros pendant pas mal d'années, avec l'espoir à chaque fois. Je me disais, allez, cette année, c'est la bonne. Lecomte va aller loin à Roland-Garros et il perdait au premier tour. Et voilà. Ah là là là là. Mais bon, là, donc je voulais quand même finir sur notre ami Riton. Eh bien, nous arrivons au terme de cette rencontre consacrée au sport dans les années 80. Absolument, Yetcha. Même si nous avons parfois empiété sur les années 90, tous ces événements restent de très bons souvenirs et nous espérons vraiment que vous avez pris vous aussi du plaisir à vous les remémorer en notre compagnie. On vous dit à très bientôt pour un nouveau cadeau bonus. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur Twitter, Facebook et sur le site 80slepodcast.fr et également à nous donner plein d'étoiles et de commentaires sur iTunes. À très bientôt, Sirf. Merci encore pour tous ces bons moments. À très très vite. Et on se quitte sur la musique culte de la pratique sportive, celle qui nous aide à tout donner dès qu'on entend les premières notes. Je vous laisse écouter ça. À très très bientôt. Salut, salut. Salut et ciao, à bientôt. On vous dit à très bientôt pour un aveu. Pour un navet. On vous dit à très bientôt pour un nouveau cadeau bonus. N'hésitez pas à vous. On vous dit à très bientôt pour un nouveau cadeau bonus. N'hésitez pas à vous faire. Oh putain. On vous dit à très bientôt. On vous dit à très bientôt.